dégager le bazar. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole, Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'un bout d'Abi à bout de bras. Il a vaincu une armée, tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Il a 103 chameaux et chamelles. Sont-ils pas mignons, Simone? Tant pis, Thierry, j'adore leur plume. Des gorilles qu'ils protègent de leurs ailes. Ce zoo est un sous-corne de bouc. C'est une super ménagerie. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Quel physique, c'est magnétique, il est charmant. Il y a du monde au balcon, moi j'ai du voile au menton. Et tout le monde s'évanouit pour Prince Ali. Voilà pourquoi en cortège, cet amoureux vous assiège.